Imaginez, vous êtes un petit commercial. Vous êtes entreprenant, mais jusqu'ici, tout ce que vous avez essayé a été un échec. Vous vous faites vieux. Et pour tout dire, votre vie est plutôt derrière vous. Et puis un jour, un client vous tend la main. Il vous donne l'opportunité de votre vie. Et vous réussissez. Vous réussissez même très bien. Si bien qu'un jour se pose la question de celui qui vous a aidé. Vous pouvez soit l'aider à votre tour et le rendre immensément riche, comme vous, soit l'arnaquer. Que feriez-vous ? Bonjour, je suis François-Xavier et aujourd'hui je vais vous parler de Ray Kroc et de la saga McDonald's. Avec 37 000 restaurants aux quatre coins du globe, McDonald's est aujourd'hui un des quelques noms mondialement connus de la restauration. Avec son Big Mac et son Happy Meal et sa formule classique burger, frites, coca, cette franchise a réussi à se faire une place auprès de toutes les cultures et au sein des familles. Présent dans 120 pays depuis déjà 60 ans, l'entreprise est reconnue par tous et est un symbole fort de la restauration américaine et des États-Unis, là où, contrairement à McDonald's, personne n'a réussi à devenir l'entreprise mascotte de la France, du Japon ou de la Turquie. Ce succès mondial est dû à un homme, Ray Kroc. Mais qu'a-t-il fallu sacrifier pour en arriver là ? Ray Kroc a-t-il vraiment réussi à bâtir un tel empire sans se salir les mains ? Si connaître par quel stratagème Ray Kroc a réussi à bâtir un des plus grands empires du monde de la restauration, si ça vous intéresse, eh bien cette vidéo est faite pour vous. En 1917, Ray Kroc quitte l'école sans y avoir appris grand-chose. Il trouve alors un travail chez son oncle qui vend des fontaines à soda à Oak Park. Travail qu'il quitte très rapidement afin de s'engager en tant que brancardier volontaire dans la Croix-Rouge française. On est en pleine guerre. Malheureusement, avant même de pouvoir débuter sa formation, l'armistice de la Première Guerre mondiale est signé. C'est alors que le jeune Ray Kroc décide de partir pour Chicago. Ayant pris des cours de piano de la part de sa mère lorsqu'il était jeune, Ray Kroc s'improvise musicien et devient joueur de jazz. Il joue pour différents orchestres avant de se trouver un poste dans une radio locale. En 1921, et sur recommandation de son père, Ray déménage en Floride afin d'essayer sa main dans l'immobilier. N'appréciant pas le métier, il retourne à Chicago en 1922 et se marie à Ethel Fleming, la fille d'un propriétaire d'hôtel du Michigan. Il va également devenir vendeur chez un des plus gros producteurs de gobelets en carton des US, Lilly Tulip Cup Corporation. Il reste avec l'entreprise pendant 15 ans, gravissant petit à petit les échelons jusqu'à devenir chef des ventes de tout le Midwest américain. En 1937, Ray Kroc rencontre Earl Prince et il quitte alors son poste et rachète les exploitations du multi-shaker sur tous les États-Unis. La machine multi-shaker d'Earl Prince permet de mixer 5000 chèques à la fois et Ray Kroc crée une société d'exploitation. C'est cette aventure qui l'amène en 1954 à rencontrer les frères McDonald. En 1954, alors que ça fait 15 ans que Ray Kroc distribue avec un succès relatif ses shakers, il reçoit une commande pour 8 appareils. La commande est inhabituelle et Ray Kroc décide d'aller voir ce qui se passe. Il se rend dans un restaurant drive-in à San Bernardino en Californie. Profitant de l'essor de l'automobile, les frères Richard et Maurice McDonald ont transformé leur petite échoppe de burgers en une chaîne de 8 magasins drive-in proposant une sélection limitée de produits afin de favoriser la rapidité. Hamburger, cheeseburger, lait, café, chips, tartes et 3 boissons. Tels sont les choix qui ont permis aux deux frères de passer d'une échoppe en 1937 à 8 restaurants 17 ans plus tard. Le choix étant faible et les prix devant être imbattables, le concept des frères McDonald était de répartir les tâches des employés de la même manière que Ford l'avait fait dans ses usines automobiles. En fait, ils étaient passés à ce qu'on appelle la Fordisation. Chacun avait une tâche bien précise à accomplir, ce qui permettait une efficacité maximale. Les commandes étaient donc prêtes rapidement. Et la vaisselle ayant été remplacée par des emballages en papier, ceux-ci étaient jetés par les clients eux-mêmes. Impeccable, le système fascina Ray Kroc, qui avait, par un heureux hasard, rendez-vous avec les deux frères McDonald. Ray Kroc se rendit rapidement compte de deux choses. La première, c'était que les frères McDonald étaient de grands visionnaires. La seconde, c'était que les frères McDonald n'avaient qu'un sens limité de la gestion et une ambition bridée. Cependant, persuadé que l'entreprise peut prendre une envergure au minimum nationale grâce à son concept novateur, Ray ne lâche pas l'affaire. Il leur propose donc de devenir leur franchisé unique de l'enseigne en échange de parts dans son entreprise. Pour tout dire, Ray Kroc sera le seul à pouvoir utiliser l'enseigne à travers les États-Unis et en échange, les frères McDonald auront des parts de l'entreprise de Ray Kroc. Le loup est entré dans la bergerie et il va dévorer les deux moutons. 7 ans plus tard, en 1961, Ray rachète les parts des frères McDonald pour une somme de 2,7 millions de dollars. À l'époque, c'est une somme très importante, mais ça ne représente rien par rapport à la valeur de l'entreprise aujourd'hui. Le succès de McDonald fut surprenant. En 1959, soit 5 ans après la rencontre entre Ray et les frères McDonald, l'entreprise comptait déjà 100 restaurants. En 1963, la franchise en compte 500. En 1968, 1000. En 1972, 2000. Et en 1978, la franchise compte un nombre incroyable de 5000 restaurants, soit 625 fois le nombre de restaurants que possédait McDonald's au début de l'aventure, en 1954. De plus, le rayonnement de l'entreprise ne se contente pas des frontières USA, ni même des frontières nord-américaines. En 1967, McDonald's commence son exploitation internationale en ouvrant 2 restaurants en Amérique, un à Porto Rico et l'autre au Canada. En 1974, soit 7 ans plus tard, la franchise était implantée en Europe, plus précisément en France et en Angleterre, en Asie, grâce au Japon, et dans le reste de l'Amérique du Sud, avec le Salvador et le Guatemala. Bref, en 24 ans à peine, l'entreprise a vu son développement rapide lui donner une reconnaissance mondiale. Mais ce succès fulgurant n'était pas gagné d'avance. Lorsque Ray rachète aux deux frères McDonald's leur franchise au début des années 1960, le concept de la restauration rapide est déjà répandu. Par exemple, Ojo, une des chaînes de fast-food les plus connues à cette époque et créée par Howard Dearling Johnson en 1925, compte près d'un millier de restaurants partout dans les USA. D'ailleurs, le concept même de la vente de burgers est très répandu. Ojo, parmi d'autres choses, en proposait dans son menu. Ce qui va démarquer Ray Kroc et son entreprise, c'est son ambition à lui. Remarquant relativement tôt que les US et leur manière de vivre étaient amenés à rayonner dans le monde entier et donc à être copiés dans plusieurs pays tout autour du globe, Ray ne voyait pas pourquoi un business qui marchait très bien aux US ne marcherait pas à l'étranger. Et c'est donc pour cette raison que Ray a mis un point d'honneur sur l'expansion à l'international de sa franchise. Et si je vous disais en introduction de cette vidéo qu'à l'époque, Ray avait plutôt sa carrière derrière lui quand il a rencontré les frères McDonald, c'est que c'est à 52 ans, après avoir eu une vie finalement bien remplie, que Ray s'est lancé dans l'aventure McDonald's. En 1955, soit seulement un an après sa rencontre avec les frères McDonald, Ray ouvre son premier restaurant à Des Plaines, dans l'Illinois. Restaurant pour lequel il reprend toutes les recettes qui ont fait le succès des deux frères en Californie. Une propreté irréprochable, des prix imbattables, un service rapide et un menu limité. Il va même jusqu'à copier les arches dorées inventées en 1952 par les frères Maurice et Richard McDonald. À ces idées clés préexistantes, il rajoute cependant certaines de ses idées à lui. Une standardisation des opérations poussées à l'extrême, telles le calibrage au millimètre près du pain, des steaks et des frites. Et c'est cette calibration qui va permettre de réduire encore plus les coûts, déjà faibles, de production. De plus, McDonald's emploie des étudiants. Le marketing a également joué un rôle important dans le succès de la franchise. On peut noter la création du clown McDonald's en 1963, par exemple. La mascotte a contribué à une campagne marketing d'envergure nationale et à la réputation de la marque. Campagne marketing qui a également aidé à l'entrée de la société sur la bourse de New York en 1966. Bien que visionnaire et bourré d'ambition, Ray Kroc est également maniaque. Par exemple, il ne supportait pas que ses collaborateurs aient les cheveux longs, mâchent du chewing-gum ou portent des chaussettes blanches. Ray est également connu pour avoir mis son veto contre l'installation de jukebox dans les restaurants. La raison était que, même si ces boîtes à musique amenaient la jeunesse, elles risquaient de faire fuir les familles. Les maniaqueries de Ray Kroc conduisent même celui-ci à créer une université du burger à Chicago en 1963. Université dans laquelle tous les franchisés doivent suivre une formation. Et puis il y a le côté plus sombre de McDonald's. Depuis les années 70, on reproche à McDonald's et à Ray Kroc d'exploiter ses salariés et puis de servir des repas peu diététiques. Cependant, la marque s'en moque. En 1972, Ray est même soupçonné d'avoir versé 200 000 dollars à Nixon sous le couvert d'un soutien financier pour sa réélection afin que le président américain mette son veto contre une loi sur le salaire minimum des travailleurs mineurs. Mais rien ne pouvant être prouvé, Ray Kroc n'a jamais été poursuivi en justice pour cette affaire. Alors finalement, ambitieux, abondamment. Chanceux, certainement. Peu moral, sans doute. De toute façon, il reste toujours que Ray Kroc a réussi à bâtir une des plus grandes entreprises de restauration rapide au monde. Et ça en commençant à 52 ans. Mais pour ce faire, eh bien, il a doublé les frères McDonald's et peut-être même versé un pot de vin à un président américain. La réussite justifie-t-elle le manque de morale? Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi votre avis dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.